Jean de Rambert, vous êtes assoupi. Le veilleur fait sa ronde de nuit. Le halo de sa lanterne luit. Songez-en.